un flot d'images toutes plus effrayantes les unes que les autres. Des gamins drogués aux yeux fous, dépenaillés mais armés d'une kalachnikov presque aussi grande qu'eux. Des hommes dont on a sectionné le poignet, manche longue, ou l'avant-bras, manche courte. Des agglomérations devenues des cloaques. Toutes ces images d'horreur prises çà et là au Libéria ou chez son voisin, la Sierra Leone, c'est-à-dire l'émergence dans les années 90 d'une nouvelle barbarie. Viol, massacre de masse, torture, cannibalisme et, comme une épidémie, le mal gagnera d'autres pays africains, la Guinée, le Rwanda, le Congo, se juxtaposant à une autre terrible pandémie, celle du sida. Un seul chiffre. Les spécialistes estiment qu'au terme de la prochaine décennie, 55 millions d'Africains seront morts du sida. Mais revenons au Libéria, le mal nommé. L'explosion se produit en 1989 lorsqu'un warlord, un seigneur de la guerre, Charles Taylor, inaugure un nouveau genre de conflit en Afrique, la guerre de rapine. Comme elle a pu exister au temps de la guerre de 30 ans, lorsque des chefs de bande ravageaient l'Europe, massacrant, violant, pillant et échappant à leurs commanditaires, les princes européens. Une comparaison d'autant plus troublante qu'au Libéria aussi, des intérêts étrangers ont attisé le feu, et pas seulement des intérêts africains. Les anciennes puissances colonisatrices de la région, dont la France, ont joué un rôle néfaste dans cette guerre civile qui a provoqué la mort de 250 000 Africains. C'est en tout cas l'opinion de M. X. Ah, la richesse fait parfois le malheur d'un pays. Ça a été le cas, vous vous en souvenez, de l'ex-Congo belge, dont les formidables richesses naturelles ont attiré toutes les convoitises et finalement précipité sa ruine. C'est aussi le cas de tous ces États où la ressource pétrolière a suscité corruption et guerre civile. Et dont les populations n'ont jamais bénéficié de ces richesses. Exact, oui. Et alors, bon, le Libéria, alors? Ah le pays n'a pas de pétrole, mais enfin, il produit du bois, du caoutchouc, et on y trouve des diamants, et un excellent minerai de fer. Et donc, un potentiel économique important. Oui, le Libéria a longtemps été considéré comme un des pays africains qui offrait les plus grandes capacités de développement. Mais c'était compté sans le poids de l'histoire. Alors, si vous voulez bien, je vous propose un petit retour en arrière. Le Libéria, mais vous devez le savoir, c'est une invention états-unienne. Oui, c'est une création des États-Unis, vous voulez dire. Exactement. Au début du 19e siècle, des hommes politiques américains prônent l'affranchissement des esclaves et envisagent leur retour dans leur continent d'origine, l'Afrique. En fait, ces politiciens ne sont pas seulement des philanthropes. Un président états-unien, Jefferson, je crois, l'a dit crûment. Si on ne veut pas que les esclaves affranchis puissent se mélanger à nous, il vaut mieux les éloigner. C'est parfaitement cynique. En effet, oui. En tout cas, il se crée, avec le soutien de la Maison-Blanche, une société de colonisation qui a pour vocation de permettre aux affranchis de s'installer en Afrique. Oui, mais attendez, encore faut-il trouver des terres, hein? Ah, naturellement. Et ça ne va pas sans poser des problèmes, car les roitelets africains ne voient pas d'un très bon œil cette tentative de colonisation. Et les missionnaires envoyés en Afrique pour explorer le terrain et préparer l'installation des esclaves affranchis ne reçoivent pas un excellent accueil, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, grâce à l'action décisive du président Monroe, ce sont des milliers d'anciens esclaves qui vont peu à peu coloniser la côte du Poivre, comme on l'appelait encore. À noter que cette côte a jusqu'alors échappé à la colonisation européenne. Mais alors, ces potentats locaux, la Serroitelet, laisse faire? Non. Les colons, mais aussi leurs protecteurs, rencontrent de nombreuses difficultés, à commencer par les fièvres qui déciment les premiers immigrés. Toutefois, en 1847, les survivants, ils sont alors un peu plus de 6000, créent la première république africaine. C'est-à-dire la république du Libéria. Libéria, car ils sont décidés à en faire une terre de liberté. Et ils nomment la capitale Monrovia. Ah oui, en hommage au président Monroe. Évidemment. Cependant, l'espoir n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Ces esclaves ou descendants d'esclaves vont se conduire comme leurs anciens maîtres américains. Quoi, vis-à-vis des indigènes des... Oui, les natifs, comme ils les appellent péjorativement, des autochtones qui habitent l'Interland, la forêt équatoriale, tandis que les nouveaux venus occupent les côtes. Et bientôt, ces nouveaux maîtres, qui estiment être des civilisés, vont imposer le travail forcé à leurs frères africains. Ils vont même en vendre, certains comme esclaves, et n'hésiteront jamais à réduire par la force les tribus rebelles. En fait, au fil des ans, c'est un véritable régime d'apartheid qui s'instaure au Libéria. Donc, entre noir et noir. Ouais. D'un côté, les anciens affranchis qui ont épousé toutes les coutumes et la religion, bien sûr, de leur maître états-unien. Et de l'autre, des populations bien plus nombreuses, mais asservies et taxées de barbarie. Et puis, animistes, j'imagine. C'est certain. Mmh. Les missionnaires chrétiens répugnent à aller évangéliser ces tribus sauvages. C'est donc, c'est quand même étonnant, hein. C'est donc la prolongation de l'esclavagisme par d'anciens esclaves. Exactement. Et ça va durer des années et des années. Songez que les autochtones n'obtiendront le droit de vote qu'après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que les femmes en France. Cette domination sans partage des américano-libériens, comme ils s'appellent eux-mêmes, entraîne haine et frustration. Ouais, et inévitablement, un jour, le couvercle sautera. Ah bah forcément. Et nous verrons comment. Mais auparavant, je voudrais dire que le Libéria entretient des liens très étroits avec les États-Unis, essentiellement des liens économiques. Dans la seconde moitié du XXe siècle, par exemple, le fabricant de pneus Firestone s'installe au Libéria, où les autorités lui ont concédé l'allocation d'immenses territoires afin d'y cultiver les véas. Firestone devient ainsi une sorte d'État dans l'État. Et ce sont des soldats états-uniens, noirs, qui sont chargés de protéger ces installations. Bon, enfin, ça veut dire que le caoutchouc fait quand même la fortune du Libéria. Ah, bah, c'est en effet la principale ressource du pays, mais le pays exporte aussi du bois, du fer, de l'or et, je vous l'ai dit, des diamants. Oui, mais c'est autant de produits bruts qui n'ont pas été transformés. Et c'est l'une des faiblesses du pays, comme d'ailleurs de nombreux autres pays africains. Il suffit que la demande baisse et l'économie locale s'écroule. Autre ressource non négligeable, la zone franche, qui permet à des milliers de sociétés offshore d'installer leur siège à Monrovia, ce qui donne lieu à tous les trafics imaginables. Ah, ça, ouais. Mais enfin, il y a aussi les fameux, trop fameux pavillons de complaisance. Oui, le Libéria, petit état de 3 millions d'habitants, va devenir fictivement le possesseur de la première flotte marchande au monde, en termes de tonnage toujours. Mais ça fait que le pays connaît une croissance économique record et une relative prospérité. Mmh. Oui, mais ça ne règle pas le problème politique, là. Non, bien sûr. Mais les choses évoluent quand même dans le bon sens. L'homme qui gouverne le pays après la Seconde Guerre mondiale, William Tubman, s'efforce de mener une politique plus juste en direction des autochtones. C'est par exemple le premier président à s'aventurer à l'intérieur du pays. Ah oui, bah, alors, en un siècle, aucun autre président ne l'avait fait. Oui, ouais, c'est la vérité, même si ça paraît incroyable. Toutefois, en 1970, un autre William, Tolbert, arrive au pouvoir. Il promet la continuité, mais en réalité, il est plus intéressé par l'argent que par la conduite des affaires de l'État. Et alors que son prédécesseur avait commencé à réduire le fossé entre les américano-libériens et la population de l'Interland, Tolbert en reste au statu quo, et les rancœurs s'accumulent. D'autant plus que les habitants de la jungle qui fuient la misère s'accumulent par dizaines de milliers dans les faubourgs de Monrovia. Ouais, des bidonvilles, quoi. Mmh. Une situation de plus en plus explosive. Et oui, mmh. Et puis il faudra aussi parler de la mégalomanie de Tolbert, qui institue un véritable culte de la personnalité. Mmh. Une question quand même, avant d'aller plus loin, là. Ces américano-libériens, là, représente proportionnellement quelle part de la population totale du pays ? Oh, à peine un vingtième. Et pourtant, ce sont eux qui dirigent. Politiquement et économiquement, oui. Ils détiennent tous les pouvoirs. Mmh. Alors, ça explose quand ? En 1980, avec une sauvagerie inouïe, Samuel Doe, un sergent de 28 ans, quasi analphabète, s'empare du pouvoir à la tête d'une poignée de soldats. Une dizaine de ministres sont massacrés et le président est éviscéré en public. Éviscéré ? Ouais. Donc, Doe devient le nouveau président. Eh, c'est bientôt la gabegie. De toute évidence, Doe est incapable de gouverner. Il n'empêche qu'en 1985, il se fera adouber par le suffrage de ses concitoyens à la faveur d'un scrutin trafiqué. S'il ne savait pas gouverner, il savait au moins truquer les élections. Oui, vous avez raison. Enfin, l'important n'est pas là. Inculte et tyrannique, Doe s'est abouché avec un type d'une toute autre envergure, Charles Taylor. Lui, c'est un descendant d'esclaves affranchis. Ouais, c'est un américano-libérien. Ouais, mais dont la mère est quand même autochtone. Ah oui, donc il y a un pied dans chaque camp. C'est ça, et Taylor, à la différence du sergent Doe, a fait de très bonnes études. Il a même fréquenté une université américaine qui lui a délivré un diplôme d'économie. De retour au pays, il se signale par son opposition au président Tolbert. Et quand Do prend le pouvoir en 1980, ce jeune homme ambitieux et rusé est tout de suite appelé à occuper un poste de premier plan. C'est quoi ce poste-là? Bah, son titre, j'ai oublié, mais enfin, en gros, Taylor est chargé de tous les achats d'équipements du gouvernement libérien. Ah oui, ça, c'est un poste de confiance, hein. Et un poste où l'on voit passer des sommes considérables. Vous voyez où je veux en venir? Oui, la tentation a été grande. Et Taylor n'a pas su y résister. Il a commencé à systématiquement prélever sa dîme sur tous les marchés. Le portrait discrètement, parce que les Libériens n'ont pas tardé à l'affubler du sobriquet de superglu. Oui, parce que l'argent lui collait au doigt. Hein. Et ça a duré combien de temps, ça? À 3 ans. 3 ans, parce que Do, aussi borné fut-il, a fini pour s'apercevoir que Taylor le grugeait et que les caisses de l'État étaient vides. Mmh. En conséquence? Bah, Taylor était bien placé pour savoir que Do était parfaitement capable de lui faire subir le sort des ministres de Tolbert. Éviscéré. Ouais, et il a décampé le plus vite possible. Mais le Libéria, pour son malheur, n'en avait pas fini avec Taylor. 10 ans de stagnation qui se sont terminés tragiquement. Tel a été le règne ubuesque du sergent Do à la tête du petit Libéria. Dans son livre « Eben », le journaliste polonais Richard Kapuscinski en trace le portrait suivant. En fait, il ne sait pas comment gérer son rôle de président. Comme il a un visage puéril et joufflu, il s'achète de grandes lunettes avec une monture en or afin d'avoir l'air sérieux et riche. De tempérament plutôt paresseux, il passe des journées entières dans sa résidence à jouer aux dames avec ses sujets. Il passe aussi beaucoup de temps dans la cour où les épouses de sa garde présidentielle préparent à manger sur des feux et font la lessive. Il leur fait la conversation plaisante, de temps en temps en prend une dans son lit. Perdu, ne sachant pas comment échapper à la vengeance des victimes de ces massacres, il ne trouve qu'une issue, s'entourer d'hommes de sa tribu, les crânes, qu'il fait venir en masse à Monrovia. Ainsi, des mains des américano-libériens riches, bien enracinés, mondains, et qui entre-temps ont réussi à fuir le pays, le pouvoir passe dans celle d'une misérable tribu de la jungle, analphabète et effarouchée par son nouveau statut. Brusquement arrachés à leur hutte tressée d'écorce et de feuilles, les crânes voient pour la première fois de leur vie une ville, une voiture ou des chaussures. Ils comprennent que le seul moyen de survivre est de terroriser, voire de liquider les ennemis réels ou potentiels, c'est-à-dire tous les non-crânes. Taylor, accusé d'avoir volé plusieurs centaines de milliers de dollars, trouve refuge aux États-Unis. Mais le Libéria lance contre lui un mandat d'arrêt international. Et il est appréhendé et emprisonné en attendant une éventuelle extradition. Mais là se place un épisode assez curieux, et pour tout dire assez peu vraisemblable. Racontez alors. Enfermé dans une prison réputée pour ne jamais avoir connu d'évasion réussie, Charles Taylor parvient néanmoins à prendre la file de l'air. Comment alors? Oh bah de la façon la plus classique qui soit, en sciant les barreaux de sa cellule et en nouant ses draps pour en faire une corde. Ouais, je vois que vous n'y croyez pas. Non, non, cette évasion me semble bidon. Il est à peu près certain qu'elle a été arrangée. Mais par qui alors? Par les autorités américaines? Oui, en tous les cas, c'est ce que je crois. Et en faisant interpeller Taylor, Washington donnait satisfaction au président Do. En lui permettant de s'évader, les Américains jouaient la carte Taylor. Ah oui, dans le cas d'un changement à la tête du Libéria, ils jouaient les deux camps, quoi. Bah oui, il était en effet évident que le sergent Do serait tôt ou tard renversé en raison de son incapacité. Duplicité. De Washington. Donc. Oui, oui, oui. Mais pour autant, alors, Taylor, devient-il un homme des Américains dans la région? Ça, c'est peut-être plus difficile à dire, d'autant que tout de suite après son évasion, le fugitif va se réfugier chez un des pires ennemis des États-Unis, Kadhafi. On notera par la suite que, malgré ses crimes, Taylor jouira d'une sorte de mansuétude de la part des Américains. Mais ça, si vous voulez bien, on en reparlera. Mm-hmm. Mais j'observe tout de suite que le dossier pénitentiaire de Taylor a mystérieusement disparu. Aux États-Unis, donc. Ouais. Ouais. Et alors, mais chez Kadhafi, que fait-il? À l'époque, on est dans les années 80. Le leader libyen rameute autour de lui tous les agitateurs africains. Pour renverser les gouvernements en place. Et dès 1985, Taylor est partie prenante d'une tentative de coup d'État au Libéria. Un putsch dirigé par un ancien compagnon d'armes de Samuel Do qui se termine très mal pour son instigateur. Selon certaines sources, le félon est tué, dépecé et servi à la table présidentielle. Oui, mais attendez, on a aussi accusé Bokassa de cannibalisme alors qu'il n'en était rien. Oh, vous avez raison, alors n'insistons pas. Ce qui est certain, par contre, c'est que Taylor, nullement découragé par cet échec, continue à comploter et il se trouve des alliés. Qui D'abord, Blaise Compaoré, le président du Burkina Faso, qui l'accueille chez chez lui et lui permet de créer un mouvement libérien d'opposition, le Front National Patriotique du Libéria, le NPFL en anglais. Mmh. Mais c'est plus intéressant, Tyler reçoit aussi l'aide du président ivoirien. Ah, Oufouette Boigny ? Oui, Oufouette a de bonnes raisons d'en vouloir à Samuel Doe, des raisons personnelles. L'ancien président libérien, Tolbert, massacré par les hommes de Doe, était en effet un parent par alliance du vieux chef ivoirien. Voilà, il y a quand même plus important. Oufouette Boigny, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, était traditionnellement l'homme de la France en Afrique de l'Ouest. On a appelé la France-Afrique. Et oui, on y revient toujours. Ça signifie qu'Oufouette Boigny ne peut pas avoir pris la décision de soutenir Taylor sans avoir reçu un feu vert de Paris. Mmh. Alors, la France a donc indirectement pris le parti de Taylor. Pourtant, le Libéria, pays anglophone, ne fait pas partie du précaré français en Afrique. C'est vrai, mais le Nigeria non plus. Ça ne nous a pas empêché d'encourager la sécession biafraise. Et certains ont vu dans le soutien que nous avons apporté à Taylor une sorte de revanche. Mais une revanche sur qui, là? Les intérêts anglo-saxons. Les ressources naturelles du Libéria étaient très convoitées, inutile de le répéter. Puis il y avait toutes les facilités qu'offrait le port franc de Monrovia. Ce que vous dites est très grave, parce que ça signifie que la France a aussi une part de responsabilité dans le drame qui va suivre. Et c'est pourtant la vérité. Alors poursuivons. C'est à la fin de l'année 1989 que Taylor se décide à agir avec le soutien logistique du chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Gay. Oui, le futur putschiste. Lui-même. Et sur ordre direct de Oufouette Boigny. À la tête de 200 hommes, Taylor prend pied dans une région montagneuse proche de la frontière ivoirienne. Ouais. Et la guerre civile commence. Et on a très vite une idée de ce qu'elle va être. Taylor, mais aussi son adversaire, le président Doe, lance les tribus les unes contre les autres et exacerbe les rivalités ethniques traditionnelles. Le résultat est atroce. Les massacres se multiplient et les habitants fuient par dizaines de milliers la zone des combats. Et sur le plan, strictement militaire, Taylor a recruté des milliers de combattants dans les tribus qui lui sont acquises. Souvent de très jeunes gens et parfois même des enfants. Des gosses déboussolés, miséreux, qu'il est malheureusement trop facile d'enrôler. Oui, parce qu'ils n'ont aucun autre avenir que la guerre. Oui, et grâce à ces guerriers de fortune qui sont généralement drogués, Taylor se rend maître de la moitié orientale du pays, et ses troupes d'enfants soldats atteignent les faubourgs de la capitale. Et au fur et à mesure de leur avancée, ils massacrent les civils et se livrent à un pillage systématique. C'est l'essentiel pour Taylor, le butin. Il veut s'enrichir. Et aussi pour acheter des armes. Mais ça donne des idées à d'autres rebelles, d'autres seigneurs de la guerre. Chacun veut sa part, et en particulier un lieutenant de Taylor fait sécession. Il s'appelle Prince Johnson et il n'est pas moins cruel que son ancien chef, vous allez le voir. Et la communauté internationale, elle laisse faire ? Non, ce sont d'abord les États-Unis qui réagissent après le massacre de plusieurs centaines de personnes dans une église proche de Monrovia. Washington envoie des troupes. Washington qui est, il faut le rappeler, le protecteur naturel du Libéria. Et qui possède des intérêts considérables. Mais la situation est tellement chaotique que les GIs états-uniens se contentent d'organiser le rapatriement de leurs concitoyens encore présents dans le pays. Et ils repartent. Toutefois, les États-Unis ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Les puissances anglophones de la région, Nigeria et Ghana, réagissent à leur tour. Oui, parce que elles voient derrière l'offensive de Taylor une manœuvre ivoirienne et donc française. Certainement. Elles ne sont pas mues par des raisons humanitaires, même si elles prétendent le contraire. Ouais. Toujours là, les richesses naturelles du Libéria. Bien sûr. En tout cas, ces deux pays obtiennent d'une organisation économique qui regroupe la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest l'envoi au Libéria d'une force d'interposition composée, comme par hasard, essentiellement de soldats nigérians et ghanéens. Une force partisane. Bon, ça me paraît évident. Mais est-elle au moins efficace ? L'ECOMOG, tel est son acronyme, arrive à geler la situation. Et ce faisant, en contrôlant Monrovia, elle prive Taylor de sa victoire. Parce qu'il aurait gagné, enfin conquis la capitale. Oui, Monrovia était sur le point de tomber. Alors, le président Doe, que devient-il, lui ? Il est provisoirement sauvé par le débarquement de l'ECOMOG. Mais ça ne va pas durer. Prince Johnson, le rival de Taylor, parvient, malgré la présence de l'ECOMOG, à s'infiltrer dans la capitale. Ces hommes s'emparent de Samuel Doe et le torturent à mort. Une scène horrible qu'ils prennent soin de filmer. Décidément, hein, après les dépeçages, les éventrations, les tortures filmées. Eh oui, oui, il paraît que la cassette vidéo a connu un grand succès. Enfin, ça serait trop facile de mettre l'accent sur la sauvagerie de ces Africains, car ce serait oublier nos propres responsabilités. L'atroce guerre civile libérienne, une guerre qui ne tardera pas à s'étendre au Sierra Leone, restera marquée par l'apparition des enfants soldats. Dans la revue Géopolitique africaine, Valentin Odonou présente ainsi ces gosses paumés transformés en machines à tuer, violer et torturer. Il y a deux catégories d'enfants soldats. Les uns ont été enrôlés par des factions belligérantes de façon spontanée, tout simplement pour survivre. La situation économique est si déprimée en Sierra Leone et au Liberia que leurs parents n'ont pas les moyens de les nourrir, encore moins de les envoyer à l'école. Leur reste la débrouille. Bien entendu, la tentation est grande de se tourner vers les mouvements armés qui utilisent des arguments sonnants et trébuchants. Les autres ont été recrutés de force lors de véritables rafles opérées dans les villes ou les villages. Quand ils ne sont pas métamorphosés en féroces chiens de guerre, ils sont utilisés comme porteurs, gardes du corps ou agents de sécurité, chargés de surveiller et de protéger les résidences de leurs soudards de chef. Les jeunes filles servent à la fois de combattantes et d'objets sexuels pour leurs supérieurs. À cause de l'écomog, et donc, soyons clairs, du Nigeria, Charles Taylor a échoué à s'emparer de tout le Liberia. Mais il n'est pas du tout prêt à renoncer. Et il installe un gouvernement provisoire au centre du pays, ce qui lui permet de mettre en coupe réglée le vaste territoire qu'il contrôle, c'est-à-dire presque 90% du Liberia. Taylor, qui a la haute main sur un aéroport international et un port en eau profonde, édifie une vraie fortune. Les livraisons de minerais de fer à destination de la France lui procurent des revenus importants. Mais la guerre civile, ça continue ? Ah bah bien entendu. Les partisans de Doe ont à leur tour créé une milice. Et le Liberia, qui était déjà si peu gouverné, est tout entier livré à l'anarchie et aux rivalités entre les différents seigneurs de la guerre. Les « warlords », comme ils disent là-bas. Il n'y a aucune solution n'est en vue. Non, non. Taylor, soutenu par le camp francophone, ne demande en vain la reconnaissance de son gouvernement. Et l'écomog qui campe à Monrovia est bien décidé à demeurer sur place. Alors, au fond, pour obtenir la peine, n'aurait-il pas été plus simple d'abandonner le Liberia à Charles Taylor ? Peut-être, oui. Car Taylor, furieux de ne pas être reconnu, étend le conflit aux pays voisins. Guinée et surtout la Sierra Leone. Il se venge, quoi. Ouais, un pays qui, entre parenthèses, regorge également de richesses naturelles, de diamants en particulier. Ah oui, ça ne peut pas laisser Taylor indifférent. Hein. Ah, forcément, oui. En Sierra Leone, l'américano-libérien dispose d'un allié tout trouvé. Un de ses anciens lieutenants, Foda Esanko, un malade mental dont la cruauté est sans égale. C'est lui qui va inventer, si je puis dire, les amputations systématiques des habitants qui tombent entre ses mains. Ah oui, manche longue ou manche courte. Hein. Oui, c'est particulièrement atroce parce que ce sont souvent des enfants soldats qui sont chargés de procéder à ces amputations. Des gamins drogués, dressés pour tuer, qui ne savent plus distinguer entre la vie et la mort. Enfin, revenons au Liberia. La situation de Taylor, combattue par les autres factions rebelles, il en existe au moins 6 ou 7 et on comptera jusqu'à 12 seigneurs de la guerre, devient de plus en plus précaire. Pour s'en sortir, en octobre 92, il lance une grande attaque sur Monrovia, l'opération Octopus. La pieuvre, hein ? Comme dans James Bond. Taylor a toujours vu grand. Quoi qu'il en soit, cet offensif qui coûte la vie à plus de 3000 combattants est un échec. Et c'est à ce moment-là que l'ONU se décide enfin à faire un premier geste. Mais un geste bien timide. L'organisation internationale décide un embargo sur les armes à destination du Liberia. Ah bah c'est bien le moins, non ? Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, cet embargo ne sera vraiment appliqué qu'en 1995. Et comme il n'y a rien de plus facile que de contourner ces embargos, enfin, quand même. En 1993, alors qu'on estime que 150 000 Libériens ont déjà péri, l'ONU envoie une mission d'observation censée épauler les Comog. Autant le dire tout de suite, cette décision sera sans effet notable. Et les luttes entre factions se poursuivent toujours avec la même férocité. Et toujours avec les mêmes victimes, hein, les populations civiles. Oui, et puis aussi avec les mêmes profits. Ah bah bien évidemment, oui. L'entreprise Taylor tourne à plein régime. Exportation massive de bois, ce qui saccage en plus la forêt, vente de caoutchouc, d'or et de diamants. Et à chaque fois, le seigneur de guerre touche et arrondit sa plotte. La guerre se nourrit de la guerre. C'est ça, oui. Et tant qu'elle dure, les chefs de factions s'enrichissent. Il faudra aussi parler du trafic de drogue et du blanchiment de l'argent sale. Dans ces conditions, aucun de ces seigneurs de la guerre n'a intérêt à la paix. Et la preuve en est donnée en 1995. Des négociations sont entamées, une trêve est décidée. Mais 4 mois plus tard, la paix vole en éclats et la guerre civile recommence. Mais je m'aperçois que dans la liste des revenus de ces chefs de bande, j'ai oublié un élément essentiel, l'aide internationale. Que voulez-vous dire là ? La situation misérable de ces pays du tiers-monde en guerre suscite la pitié. Et les organisations internationales. Les ONG. Pas seulement. Les structures de l'ONU aussi. Donc on vient au secours des populations, mais la plupart du temps, ça a été le cas au Libéria, cette aide humanitaire est détournée par ceux-là même qui sont les fauteurs de guerre. Donc, les ONG enrichissent paradoxalement les bourreaux. Exactement. Et au Libéria, la Croix-Rouge a suspendu son aide dès 1994, lorsqu'elle s'est rendue compte que les équipements qu'elle envoyait allaient directement grossir le trésor de guerre des chefs de bande, des gangsters qui percevaient aussi des pourcentages sur l'aide alimentaire accordée aux réfugiés. Alors, il ne faut pas donner aux ONG ? Non, je n'ai quand même pas dit ça, non. Cependant, les dirigeants de ces ONG doivent scrupuleusement veiller à l'utilisation réelle des fonds qu'elles distribuent. Enfin, fermons la parenthèse. Donc, la trêve est de courte durée. Et Tyler tente à nouveau de s'emparer de Monrovia. Toujours soutenu par le camp français ? Oui, les réseaux autrefois mis en place par Focard et ceux qui ont été directement inspirés par l'Élysée continuent à fonctionner en faveur de Tyler. Et toujours pour les mêmes raisons. Les affaires. Naturellement. Quant aux Ivoiriens, ils n'ont pas cessé leur aide. Malgré la disparition de Houphouët-Boigny ? Son successeur, Conan Bédier, est sur la même ligne. Et vous le savez, ça finira par se retourner contre les Ivoiriens, parce que lorsque Gbagbo arrive au pouvoir, il décidera de cesser de soutenir Tyler. Celui-ci se vengera en suscitant un mouvement de rébellion en Côte d'Ivoire. Mais nous en avons déjà parlé. Il n'y a pas longtemps. Oui. Tyler échoue donc une nouvelle fois dans sa tentative de prendre Monrovia. Alors soudain, il va changer de tactique, et même d'alliance. C'est-à-dire ? Tyler est un homme pragmatique. Ça fait 2 fois qu'il s'attaque en vain à Monrovia. Il sait aussi qu'il n'arrivera à rien tant que les Comog, cette force d'interposition qui est un fauné de l'armée nigériane, occupe la capitale libérienne. Il se rapproche donc de Lagos. Du Nigeria. Oui. Et lui, le seigneur de la guerre, le prédateur, réclame brusquement la tenue d'élections présidentielles. Auxquelles il entend participer, j'imagine. Il espère bien remporter, grâce à son ennemi d'hier, le Nigeria. Le Nigeria qui, tenez-vous bien, va financer sa campagne électorale. Une campagne d'ailleurs fort simple. Tyler, s'adressant à ses compatriotes, ne fait état ni de programme, ni même de promesses. Non, il leur dit tout bonnement, j'ai tué ton père, j'ai tué ta mère, vote pour moi si tu veux la paix. C'est incroyable de cynisme. Mais ça va marcher. Et en juillet 1997, Charles Tyler est élu président avec plus de 70% des voix. Pourquoi alors ? Parce que les Libériens sont fatigués ? Certainement. Et après 8 ans de guerre civile, on ne peut guère le leur reprocher. Mais il faut expliquer quand même pourquoi ce retournement d'alliance. À mon avis, on ne peut pas exclure que Tyler ait été repris en main par ses anciens amis états-uniens. Des amis suffisamment convaincants pour le persuader de faire la paix avec le Nigeria. Et de revenir dans le giron anglo-saxon ? C'est ce que je crois, en tous les cas. Et si vous voulez mon avis, lorsque, un tout petit peu plus tard, Tyler se mêlera des affaires ivoiriennes, il y aura aussi la volonté chez lui de rompre avec le camp francophone et de semer le trouble dans un pays traditionnellement allié de Paris. Ça n'est qu'une hypothèse. L'essentiel pour lui, et c'est quand même étonnant, c'est qu'il entre enfin Monrovia en président élu. Alors qu'il a échoué à y pénétrer par la force. Et l'ancien chef de bande devient ipso facto un personnage respectable. 1 an après son élection, cet homme, qui a les mains dégoulinantes de sang, sera ainsi reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, avec tous les honneurs dus à son rang de chef d'État. Mais pour autant, l'homme a-t-il changé ? Pourquoi ? Pas du tout. Il utilise les mêmes méthodes expéditives pour anéantir l'opposition. Museler la presse, entretenir les troubles chez ses voisins guinéens et sierra-léonais, et surtout piller méthodiquement les richesses de son propre pays. C'est un véritable hold-up que se livre Tyler. Alors que ses compatriotes vivent dans la plus grande misère, le président libérien arrive à placer quelques 3 milliards de dollars dans des banques suisses. Pas mal, hein. ça ne peut quand même pas durer indéfiniment. En effet, oui, les méthodes de Tyler provoquent, dès la fin des années 90, la reprise de la guerre civile, la deuxième guerre civile libérienne. Et pour les grandes puissances, il devient de plus en plus évident qu'il faudra un jour ou l'autre se débarrasser de ce Taylor. Premier signe, en 2001. L'ONU accuse Taylor d'alimenter la guerre civile sierra-léonaise en trafiquant armes et diamants. Mmh. Et puis, en juin 2003, le chef d'État libérien est inculpé par le tribunal spécial de l'ONU de crimes contre l'humanité. Toujours pour son action en Sierra Leone. Et sa complicité là, avec ce chef de bande là. Fode Sanko, oui. Ouais. Sanko qui est devenu fou pour de bon et ne va pas tarder à s'éteindre. Ouais. Et là, alors, ça commence à sentir très mauvais pour Taylor lui-même. Hein. Ah, pas forcément. Enfin, rassurez-vous, il a déjà préparé ses arrières. Toutefois, c'est vrai, sa situation devient de plus en plus difficile. Il doit maintenant faire face à la rébellion de deux factions armées, tandis qu'enfin, des forces onusiennes débarquent au Libéria. Ouais. Taylor, accusé de crime contre l'humanité, là, pourrait alors être arrêté. Ah, certes. Mais il a déjà négocié son départ. Et après avoir passé le pouvoir à son vice-président, il ose déclarer je suis l'agneau du sacrifice pour les Libériens. Il quitte tranquillement le pays et se réfugie au Nigeria, où il se trouve toujours. Mmh. Et sa fortune ? Bon, pour l'instant, elle dort toujours dans les coffres des banques suisses, même si assez récemment, le président Bush a ordonné le gel des avoirs de Taylor aux États-Unis. Ah, un dernier mot peut-être. Avant de se réfugier au Nigeria, qui refuse fermement son extradition, Taylor a pris soin de faire liquider quelques-uns de ses complices, témoins de ses crimes au Sierra Leone. Attendez un peu là, avant de me quitter là. Vous avez fait allusion à la curieuse attitude des États-Unis vis-à-vis de Taylor. Ah, vous avez raison de me le rappeler, c'est une affaire étrange. Surtout si l'on tient compte du climat actuel à la Maison-Blanche. Bah, allez, au fait, alors. Eh bien, il semble à peu près établi que Taylor a entretenu des rapports avec des hommes de la mouvance Al-Qaïda. Des hommes qui auraient même séjourné au Libéria avec la bénédiction de Taylor et se seraient livrés au trafic de diamants pour financer leur organisation. Ah oui, financer Ben Laden. Et ça aurait dû alerter les Américains. Hein. Ils ont été alertés, en effet. Et pourtant, ils n'ont pas bougé. Mieux, les services secrets ont été priés de nier ces allégations qui étaient pourtant solidement étayées. Ouais, comment vous expliquez ça alors ? Oh, bah, la seule explication qui se tient est que Taylor était beaucoup plus proche des États-Unis qu'on ne croyait. Mmh. Un agent ? Pourquoi pas ? Mais Washington pouvait-il reconnaître sa collaboration avec un tel bourreau ? Non, c'était impossible. Je laisse à M. X la responsabilité de cette troublante information.